ak la foi. Wosh ki bare ou la, gen anjo di va oule. Ak la foi, chen ki mare ou la, gen anjo di va kase. Len sonje batime, ki te fè tou avek, la foi te fè loè. Ak la foi, wè vou gen anjo la realize. Si ou gen la foi, ou va sauve. Si ou gen la foi, ou va sauve. Est-ce que ou pe l'en sauve la fè loin? Ak la foi, quand c'est au guerre, guerre au jour divaguer. Ak la foi, dossier au qui bloqué, guerre au jour les va débloquer. L'aime songer, femme ça, qui t'a perdu sang, la foi t'a guéri. Ak la foi, si da ou gen anjo li va gen. Si ou gen la foi, ou va sauve. Si ou gen la foi, ou va sauve. Oh. Est-ce que ou pe l'en sauve ou la fè loin? Oh, ou va sauve. Sauve, si ou gen la foi, ou va sauve. Est-ce que ou pe sauve ou la fè loin? Oh, ou va sauve. Ak la foi, pe d'Haïti, gen anjo li ap sauve. Se nou tou mete tèt ansan, pe a kapab chanje. Longe men bay male yo, longe men bay handikapé yo. Ouè, nan jenès la, pe a kapab mache. Si ou gen la foi, ou va sauve. Si ou gen la foi, ou va sauve. Est-ce que ou pe l'en sauve ou la fè loin? Oh, ou va sauve. Sauve.